Allô? Moi, je t'entends. Mon micro, c'est le numéro 6. Ah mais oui, t'as changé de côté aussi, c'est pour ça. Bah oui, voilà, okay. Ah, ça va beaucoup mieux. Bon, bah voilà, on fait nos petits réglages, il est 20h02 à l'antenne de Campus 106,6, ce n'est plus la fête de la soupe, la louche d'or quoi. Par contre, ça va être quand même être louche, vu que ce soir on a des invités qui vont nous parler d'art et de culture, puisqu'ils reviennent de Venise, pour tout ça pour dire qu'on va être vraiment hyper top punk ce soir. Ça devrait commencer nos invités vers 20h15, le temps qu'ils arrivent. En attendant, on a le temps de passer quelques titres de musique et puis aussi de faire un petit peu de nouveautés et d'actualités. Mais que nous proposes-tu maintenant, Célia ? C'est ça. Ah, moi, j'ai ramené que de la nouveauté. C'est Pyongyang Styrocars numéro 336. On a oublié de le dire, pardon. Ah oui, c'est vrai. moi, j'ai ramené que de la nouveauté aujourd'hui. Bien. Les trucs qui sont sortis, bon, pas des groupes nouveaux, mais... comment dire, j'en ai un nouveau récent. C'est vrai. Tu l'as peut-être aussi. moi j'ai ramené, je veux passer un petit Burning Head, ce qui vient de sortir. C'est un groupe nouveau, ça, je crois. un groupe de skatepunk, punk hardcore, reggae, orléanais. Je sais plus qu'on a son combientième album, mais beaucoup. C'est ça. Je sais même pas. Et ils viennent d'en sortir un tout nouveau. J'ai même pas noté le nom, c'est Humber of je sais plus quoi. On le dira après, on va c'est le désannoncer. Ça. Donc c'est sorti chez Kicking Records et on reconnaît bien la patte Burning Head dans les morceaux. C'est-à-dire qu'ils font du reggae ? Pas que, il y a quelques morceaux reggae, mais c'est toujours aussi cool. Peut-être un peu moins énergique que d'autres albums qu'ils ont pu sortir avant, mais c'est chouette. C'est la vieillesse, ça. C'est ça. Donc, ils deviennent plus mesurés, tu vois. C'est un peu comme les gens qui défilent en manifestation le 1er mai. Ben maintenant, quand même, tu sens que c'est beaucoup de vieux. Ouais. Pas que des vieux, hein, je tiens à le dire, mais il y en a. Burning Head. C'est sûr. Donc, keep the fire burning, Burning Head. Bah voilà. C'est pas le bon micro que t'as lancé, le tien. C'est pas grave. Donc ouais, Embers of Rosest, le nouveau Burning Heads, qui part à la fin, il part en électro. Hein. C'est ça. Moi, là, c'est mauvais. Hein. Bon, le reggae, ça allait encore, mais pff, bon. C'est la fin de l'album. tout nouveau sorti hier, voire même aujourd'hui. Non, je crois que c'est hier, en tout cas. On vient juste de le choper. C'est Deven, la démo qui vient de sortir, là. Ouais, pas encore un All-Star Band à la lilloise, comme on aime. Il y a 5 titres dessus, ils sont pleins d'amour et de rage. Et je ne résiste pas à citer la phrase écrite tout en bas de leur Bandcamp. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous n'existerions pas sans les imperfections collectives de celles et ceux qui ne se résignent pas à l'état de ce monde. Continuons. C'est vachement bien. Ah, ça y est, ils arrivent, les invités. Je finis sur Deven en disant donc que leur Bandcamp, c'est D-E-S-V-E-I-N-E-S, Deven, il y en a plusieurs, .bandcamp.com. Vous trouverez donc cette démo aux 5 titres. Vous pourrez aussi mettre un peu de sous, même si elle est en téléchargement gratuit, enfin à prix libre. Vous pouvez quand même mettre un peu de sous pour les soutenir. Et puis, vous pouvez maintenant écouter leur titre Torrent Deven. Ben voilà, donc c'était Deven avec Torrent disponible dès maintenant sur leur Bandcamp et bientôt aussi en cassette, entre autres chez Dirty Slap, me semble-t-il. Je présente rapidement le numéro 3 de la feuille de chou lilloise Anarchie Locale. C'est un peu plein d'infos, lilloise. Et puis ben voilà, c'est une feuille à 4 pliés en 3 chez Bio. Une belle mise en page et puis plein d'informations sur qu'est-ce qui se passe et puis aussi des avis plus ou moins bien tournés sur les choses. Et puis en plus, à la fin, il y a un agenda. Alors, c'est pour le mois de mai, il n'est pas complet, hein, forcément, vu que le mois de mai n'est pas encore passé, puis il y a plein de trucs encore qui vont se faire. Mais ça se trouve partout, dans les bonnes drogueries. Si vous voulez télécharger pour l'imprimer vous-même sur votre imprimante, comme j'ai fait moi, vous pouvez aller sur Indie Media Lille, lille.indiemedia.org, et puis ça se trouve dans un coin, puis c'est un PDF, et puis vous faites pas chier, quoi. Puis sinon, vous chopez, par exemple, au CCL, ou dans d'autres endroits, ou ce matin, vous pouvez aussi aller le choper ce matin à la manifestation du 1er mai. Ah ouais, merci, c'est déjà passé. Voilà. C'est Anarchie Locale numéro 3 et c'est gratos, bien sûr. Ah, youpi. Bonjour. Merci. Ça va, c'est bien. Bah ouais. Du coup, je repasse un morceau. Allez. Ouais. Toujours dans les nouveautés, mais cette fois, je pars en Allemagne. Je vais passer un morceau de Fucking Angry. Ils ont sorti aussi un tout nouvel album qui s'appelle Still Fucking Angry. Ils n'ont pas cherché trop loin. donc c'est un groupe de street punk, punk hardcore qui vient de Bonn. Et ils ont sorti leur nouvel album sur le label Rookie Records. Et le titre s'appelle No Fun de Fucking Angry. Le titre, je ne sais plus, Gym Club. Night Gym. Night Gym, pardon. C'est la nouvelle coqueluche belge, là. Ils sont partout. Très certainement, ils vont signer sur d'énormes labels d'ici peu de temps. Donc, il faut les écouter maintenant parce qu'après, ça sera interdit. ce qui est interdit, c'est de dépasser les limites de vitesse. Et tout en étant en retard, eh bien, vous n'avez pas dépassé les limites de vitesse, Noon et Bimbin. Et vous êtes quand même arrivé à l'heure qu'on avait dit, c'est-à-dire même avant 20h15. Hein, moi, j'avais dit 20h15. Voilà. Ils sont là. Bonsoir, Noon. Salut. Bonsoir Mama. Salut. Je crois que son micro ouais, il marche son pas. Son micro il marche pas. Ouais, ah. Le 3 il marche pas. Mais tout. Déplace-toi. Ouais. Ouais, c'est toujours aussi chiant en Radio Campus. Non, mais bien arrivé, très content d'être là. Donc vous étiez en train de vous pinter la gueule à la louche d'or. Exactement. Et vous avez quand même dû faire des records de vitesse pour arriver jusqu'ici à l'heure. Oui, en fait, au début, on était ici à Villeneuve-d'Ascq. On a vu que la porte était fermée. On a commencé à scroller sur Facebook. Et genre, ça va arriver, on était pas là. Mais non, ils sont tous à Oisem, en fait. Il faut absolument qu'on y aille. On s'est croisés à pas grand-chose, en plus. Hein. C'est ça, ouais. Et du coup, mais on a réussi à revenir ici. C'est bien, bravo. Comme quoi, les gens qui parlent des embarras des routes lilloises, ils ont complètement tort. Hein. C'est pas vrai. Enfin, j'aurais quand même préféré prendre le métro, mais bon. Ouais. Comme dit, mais... Ouais, on parlait de louche d'or et là, bah, ça va être toujours aussi louche, mais autrement. En général, nous, ce qu'on passe, c'est des comptes rendus de concerts. On parle de trucs qui font du bruit et tout ça. Et puis là, vous êtes venu ce soir sur notre invitation, Célia. C'est vrai. Ouais. pour parler de quelque chose qui apparemment vous avez pas mal remué. Vous avez été traîné vos guêtres il y a quelques jours. C'est la Biennale de Venise. C'est ça. Oui. Merci de l'invite, c'est trop cool. Hein. Ouais. Du coup, ouais, bah, vous ici, vous faites des comptes rendus sur la ZIC et nous, on va faire un petit compte rendu de notre visite. Où ils décernent le lion d'or là-bas et pas la louche d'or. C'est quand même mieux un lion ou une louche, enfin, par rapport à une louche. ça doit être plus lourd si tu le fonds, il y a moyen de récupérer plus de thunes. Alors quand même, on se connaît parce qu'on s'est croisés dans un concert, parce que vous êtes quand même des sales punks au départ, mais vous avez aussi des activités artistiques. Tout à fait. Voilà, et donc c'est pour ça que vous êtes allé. Bon, il va falloir quand même qu'on explique un peu ce que c'est que cette Biennale de Venise. Oui. C'est un festival bisannuel, donc ça a lieu tous les deux ans. J'ai bon, qui a lieu à Venise depuis plus de 120 ans, il me semble. Je me suis un peu renseigné. Mmh. Et maintenant, c'est le plus gros festival culturel mondial. On va dire ça comme ça. C'est une exposition internationale. Donc, c'est ça, organisé depuis 1895, je crois. Et du coup, qui représente des artistes internationaux de partout dans le monde, en fait. Et des artistes dans toutes les disciplines. Alors, il y a la Biennale d'art contemporain. Ils font aussi des biennales d'architecture, de danse, design, danse, spectacle vivant, et c'est des trucs différents. Mais là, il se trouve que nous, on a été voir la Biennale d'art contemporain. Mmh. T'as déjà vu Trax ? Vaguement, ouais. L'émission sur Arte, ouais. Où t'avais des trucs chelous un peu. Ouais. Tu vois, bah, c'est à peu près ça, c'est de l'art contemporain. Donc vous êtes allé voir des trucs chelous à Venise. Grave. C'était pas pour pouvoir se balader en amoureux dans les rues. C'était pas trop ça. L'objectif du coup c'était d'aller à la Biennale, parce qu'on est passionnés d'art tous les deux, et je crois que c'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie. Quoi. Surtout cette année-là. Il y a des célébrités ? Il y avait nous déjà. Des artistes vedettes. Il y avait le pape. Mais on l'a raté. Si on estime que le pape est une célébrité. Ah, quand même. Non, je crois qu'il y a des célébrités en vrai, mais on les a pas croisés. Ou alors, bon. Il y a Rachida Dati qui est passée. Ah, incroyable. Si on estime que Rachida Dati est une célébrité. Elle vous l'avez vu. Non. je crois qu'il doit y avoir des célébrités. Je suppose qu'ils cherchent des. Des trucs dans lesquels investir et dédouaner leur... Tout le monde y va, Et donc, cette biennale-là, à chaque, donc tous les deux ans, à chaque édition, ils ont une thématique particulière. Ouais. Et cette année, c'était une thématique... Qui nous parlait. Qui parle, je pense, à pas mal de gens qui nous écoutent aussi. C'est étrangers partout. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, du coup, on peut en parler, mais ouais. Bah ouais. Je connais pas les thématiques des années précédentes. Bah, genre, l'année d'avant, c'était un truc genre sur le rêve. Enfin, ça avait rien à voir, quoi, tu vois. C'était pas du tout autant engagé que ça, quoi, tu vois. Là, ils ont mis les deux pieds dedans, quand même, quoi, tu vois, cette année. Bah, appeler un truc étranger partout. Enfin, bon, nous, on fait la traduction française, mais il y a un nom en anglais puis un nom en italien. Ouais. C'est vrai que ça laisse présager des trucs un petit peu lourds, durs. Surtout sous le rang de dents d'acquison, quoi. C'est pas anodin. Ouais. Mais du coup, ouais, enfin, le commissaire de, enfin, en tout cas, il y a un commissaire pour la biennale en général. Il s'appelle Adriano Pedrosa. Et du coup, voilà, ça veut dire, enfin, c'est Foreigners Everywhere ou en italien Stranieri Ovunque. Du coup, il a voulu, enfin, il a voulu faire un truc beaucoup plus inclusif. Et en plus, au regard de la politique en Italie, enfin, vraiment, c'est un gros fuck et un pied de nez. au gouvernement. C'est bien quand même de la part, parce que c'est une institution, cette biennale. Ouais. C'est un truc qui est installé depuis plus d'un siècle. Ouais. Il pourrait très bien, faire le dos rond en attendant que ça se passe et puis d'avoir autre chose comme gouvernement en Italie. Mais là, non, ils y vont comme des gros bourrins, comme des sales punks. Ils ont un peu remis l'art quoi ça a servi pendant des années, enfin depuis tout le temps, quoi. C'est revendicatif quand même, très souvent, tu vois. Ouais, enfin, si tu me demandes à moi, je dirais ouais, mais il y a peut-être d'autres gens qui auraient une autre idée. Ouais, du moins, ça fait avancer les choses quand même, très souvent, quoi, tu vois. Et là, ça l'a remis un peu au centre du village, quoi. Donc, mais en fait, je vois que tu as écrit plein de choses là. T'as au moins 10 pages. J'ai un roman. Ouais. Non, mais après, j'ai plein de choses à dire, tu vois. Mais, pour la petite parenthèse, je préfère écrire avant de parler. Je suis plus à l'aise avec des notes, etc. Mais, enfin, c'est ma façon de faire. Mais, j'ai plein de choses à raconter, du coup. Mais alors, ces gens-là qui organisent, le commissaire par exemple, c'est quelqu'un de politique qui est connu pour ses engagements en politique. J'en ai aucune idée. Je connaissais pas son boulot de commissaire d'expo avant. Là, j'ai découvert, tu vois, mais de ce que j'ai compris, il favorise des artistes qui ont, enfin là, en tout cas dans le cas de la biennale aussi, des artistes qui ont jamais exposé. Là, la thématique qu'il a choisie, qu'il a proposée, enfin, c'est hyper fort et ça soulève des questions. L'artiste, enfin, il parle de l'artiste queer, de la décolonisation, enfin, c'est hyper large et c'est assez fort. Donc, en fait, la biennale, enfin, et donc le commissaire invite des artistes. Il a fait une sélection de gens. De quelle manière ? Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il me semble que c'est sur dossier. Alors après, les artistes, ils sont pas tout seuls, donc ils travaillent en équipe avec d'autres commissaires d'expo, etc. Donc c'est quand même des artistes qui ont de la bouteille et une certaine carrière. Je pense que ça fonctionne comme ça, et après, en fonction de lui, son parti pris, de ce qu'il veut amener dans la biennale, je pense qu'il sélectionne. Alors ce que j'ai lu, c'est que en fait, le parti pris, c'était d'inviter des gens qui n'avaient jamais été invités à la biennale de Venise, voire en Europe. Il y avait pas mal de gens qui venaient des autres continents, particulièrement du Sud, c'est ça. Je sais pas, t'as des trucs à dire là-dessus ou pas? Par exemple, du coup, pour ceux et celles qui savent pas, qui n'ont jamais été là-bas, faut savoir que du coup, il y a 88 pavillons qui sont représentés, dans lesquels il y a des artistes qui montrent leur travail. Un pavillon, ça ressemble à un gros musée, en fait. Ouais, c'est un peu comme une exposition universelle. Ouais, c'est ça. International, mais du coup, c'est dans toute la ville et c'est assez immense. Et ça marche par pays aussi. Et ça marche par pays, par nation. Donc là, il y a 88 participations nationales. C'est bien 88 comme nombre. Enfin, ça nous rattache à des trucs chers à notre cœur. C'était pour Giorgia, je pense. C'est aussi un gros fuck. Tiens, 88 dans ton cul. Pardon. du coup, là, cette année, il y a des premières fois, comme le Bénin, l'Éthiopie, la République unie de Tanzanie, le Nicaragua, par exemple, le Panama, le Sénégal aussi. La Bolivie. La Bolivie s'est retrouvée là d'une façon trop chelou. Donc vraiment, il y en a de partout. Ouais. Et mais ouais, alors attends, c'est des pavillons mais qui sont gérés par les États. Je veux dire, par exemple, tu parles du Sénégal, c'est un pavillon qui est géré par l'État sénégalais ou Alors, ils ne sont pas gérés par le gouvernement, enfin l'État sénégalais, par exemple. Ça, c'est c'est à Venise, quoi, si tu veux. C'est pas une ambassade, voilà. Si tu veux, par exemple, je ne sais pas, le pavillon français, Julien Creuset, il a reçu le soutien du ministère de la Culture en France, des trucs comme ça, tu vois. En gros, voilà, c'est ça, il y a le travail d'équipe et du soutien institutionnel de leur pays. Ok, donc il y a quand même, les États savent quand même qu'il y a, y a des gens qui vont les représenter et qui vont balancer des trucs qui sont pas forcément en accord avec la politique de leur pays. Ah ouais, non, clairement pas, ouais, non, voilà. non du tout. Alors, on va peut-être pouvoir en parler de cette, qu'est-ce que vous y avez vu? Beaucoup de choses. tu parlais de la Bolivie. Il y avait quoi au pavillon de la Bolivie? Alors en soi, la Bolivie, le pavillon en tant que tel, franchement, il m'a pas ouf marqué. C'était plus un truc représentation de leur ancienne culture qui est en train de mourir. Bon, bref, c'était par rapport à la déforestation et tout ça. C'est pas trop ça qui m'a marqué. En fait, c'est juste qu'ils étaient installés dans le pavillon russe et les Russes n'ont pas voulu exposer et ont donné le choix à la Bolivie de venir à leur place. Ok. Ce genre de choses, ça se passe là-bas, quoi. C'est par grandeur d'âme ou alors il y avait autre chose? Ils voulaient pas représenter la Russie. Ah ok, donc là c'est vraiment les artistes russes qui ont dit nous on y vient, on vient pas, tu vois, niet. Donc du coup on va donner la chance à un pays qui est pas représenté pendant la Biennale, ils ont invité la Bolivie, tu vois. Donc c'est juste ça qui était un peu intéressant, pourquoi ils ont été invités, quoi, tu vois. Mais après il y a d'autres pavillons qui étaient déjà invités et qui pourraient faire des trucs de fou, quoi. Le pavillon hollandais, il était complètement dingue là. Bah après on peut parler aussi du pavillon israélien. Ouais, clairement. Attends, on en fait un, puis après ça on passe de la musique, parce que vous avez ramené des trucs, puis comme ça on pourra aussi aller boire un coup. Et puis après on reviendra sur d'autres pavillons. Ça puis, marche, sur, ça. Mais vas-y, parle du israélien. Stop. Pavillon israélien, du coup en fait il a été investi par une artiste qui s'appelle Rousse. Pâtir, et qui, en fait, je crois, une semaine avant ou deux semaines, a annoncé qu'en fait, elle fermerait le pavillon pour des raisons évidentes et politiques. Elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe? En fait, je crois que ça la faisait un peu, enfin, ça l'embêtait un peu, mais du coup, elle a choisi de fermer le pavillon. Donc, ils ont fait une affiche pour dire voilà, on ouvrira le pavillon quand il y aura un cessez-le-feu, et. La libération des otages, donc en parlant des otages du 7 octobre. Donc quand on passe, moi j'ai eu le sentiment un peu, moi j'avais une espèce d'appréhension, je sais pas toi Barbin, mais on arrive, t'as quand même deux soldats qui sont devant. Bien armés. Des carabiniers en uniforme. Soldats. Ouais. Et du coup, c'est fermé, c'est pas éclairé, mais bon, tu peux voir quand même une partie de son travail. Il y avait une grande vidéo. Bon, évidemment, c'est un peu gênant, donc tu restes pas devant la vitre à regarder la vidéo, tu vois. Mais tu te sens observé, surtout. Ouais, c'est clair. Mais du coup, de ce que j'ai lu, il y a une des co-commissaires d'expo qui, bien avant la décision de l'artiste, avait pas pensé à fermer le pavillon. Parce qu'elle disait que voilà, elle représentait pas, elle n'était pas porte-parole du gouvernement israélien, etc. Et qu'il y avait aussi cette liberté des artistes à s'exprimer. Voilà. Et aussi, je pense qu'elle a peut-être eu une pression du fait qu'il y a un collectif dont je ne me rappelle plus le nom. Ah si, c'est ANGA, Art Not Genocide Airlines. En fait, ils ont fait une pétition pour demander que le gouvernement israélien ne soit pas représenté sur la Biennale. Pour des raisons évidentes. Et alors, est-ce que ça a été de ce fait-là qu'elle a décidé de fermer ou pas? Enfin voilà, c'est des grandes problématiques qui sont soulevées, gros sujet, donc voilà. Mais au final, le commissariat de l'exposition respecte les décisions des artistes. Tout à fait. Ça semblerait, ouais. Donc, donc voilà, c'est ça qui est bien. Il y a déjà 20h31 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 336. On va passer de la musique, vous en ramenâtes. On a Ramenate de la musique, ouais. Cher Ramenate de la musique italienne, hein, tu vois, pour être original. Donc voilà, après, mets un peu ce que tu veux. T'as trouvé un magasin à Venise? Ça va si. Bah attends, j'ai même pas essayé de chercher, tu te doutes bien. Ça va très vite, Célia. Hein, donc tu effectivement, tu les morceaux, deux, ils trois, sont... bon, on peut en passer deux. Ça fera une minute. Ouais. C'est ça. Bah, les Italiens, c'est Call the Cops, c'est ça? Ouais, bah, c'est quasiment que des Italiens. Hein. J'ai juste mis quelques autres groupes. Et allez, on va mettre ça. Allez, j'ai mis Call the Cops et Lady Gaga. Turn out good or bad, you are C'est quoi cette affaire? Power Solo, c'est un Pirates of the Oblivion. Je l'ai sauvé parce qu'il allait partir à la poubelle si personne ne le prenait dans les bacs de disques à donner dans une radio amie qui n'est pas Radio Campus mais qui se trouve du côté du boulevard Vauban. voilà, vous saurez tout. Allez, nous revoici avec Noun et Barbin pour causer. Alors là, depuis tout à l'heure, en fait, bon, on a fait présentation de la biennale, dit comment que c'est trop la liberté, surtout par rapport au reste du pays où ça se passe, l'Italie. On a beaucoup parlé de ce que vous n'avez pas vu, mais on n'a pas encore parlé de ce que vous avez vu. Alors maintenant, vous allez le dire. Tu veux commencer ou je commence? Ouais, vas-y. Après, j'allais dire, voilà, on a vu énormément de choses. 88 pavillons, c'est énorme. Beaucoup, mais moi je voulais faire un focus sur une artiste dans le pavillon espagnol. Mais peut-être que tu as envie de. Mais je t'en prie, vas-y. Tu m'en prie, d'accord. Je suivrai le pas. Il t'en prie. Mais on est dans Pyongyang City Rockers, on nous en prie, on s'en prie. Elle t'en prie. Voilà. Mais comme il y a énormément de choses, on peut vite, et en tout cas c'était mon cas, mais vite rentrer dans la consommation juste d'art. Donc t'es là, oui. Tu circules, c'est comme tu quand on va au musée, quoi. Tout à fait. Un très gros musée. Tout le monde se presse devant les cartels et puis on prend chacun sa petite photo. Ouais, c'est ouais, ça. On fait tous la même chose. Ouais, moi je voulais parler du pavillon espagnol. Donc c'est l'artiste qui est représentée dans ce pavillon, elle s'appelle Sandra Gamara. Je connaissais pas du tout son taf avant, mais en fait c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Elle est hispano-péruvienne. C'est la première artiste immigrée qui est représentée par le pavillon. Sur 130 ans de biennale, quoi. C'est la première fois qu'ils mettent quelqu'un d'une autre nationalité. C'est une ouverture aussi. Hein, C'est à peu près la ligne directrice de tous, quoi. Tu vois, en fait, c'est tout le temps des immigrés ou immigrants des pays. Hein, en fait, c'est binationalité quasiment à chaque fois. Quoi, c'est ça, ouais. Ou alors ils travaillent seuls ou en collectif. Ouais. Et alors elle fait quoi, la dame ? Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle revisite des tableaux qui ont été exposés dans les grands musées, dans les grands musées espagnols, pour faire un pied de nez à ce qu'elle appelle la culture dominante et qui a fondé l'histoire de l'art. Qui pour elle, et qui est le cas aussi, qui est fondé sur la colonisation. Elle a travaillé. On est d'accord. On est d'accord. Hein. Elle a étudié plus de 150 tableaux dans les grands musées espagnols. Elle les a repris et elle les a un peu déconstruits. On voit des dessins ou des tableaux qui ont l'air un peu inachevés. Et dans son pavillon, il y a cinq salles qui représentent les cinq genres picturaux, de la peinture classique. La peinture d'histoire, le portrait, le paysage, la nature morte et l'illustration scientifique. Donc chaque salle fait référence à ce genre pictural. Et c'est important parce que ces gens, en fait, ils ont représenté une hiérarchisation dans la peinture, au sens où les artistes nobles, ils faisaient la peinture d'histoire. Ouais. Les pecnos, c'était la nature morte, etc. Donc hyper intéressant. ce que je voulais dire, c'est que les artistes peintres des scènes d'histoire, eux, ils avaient le droit d'enseigner selon l'académie, en tout cas en France. Ce qu'elle dit, c'est que les peintures qu'elle a repris, déconstruit, travaillées, etc., c'est des standards, des injonctions, des constructions qui ont façonné l'histoire de l'art et qui ont fait de l'ombre aussi à d'autres formes d'expression ou d'autres formes d'organisation. Toi, tu t'en rappelles de ce pavillon ? Ouais. Tu as perdu. Ouais, mais en gros, elle remettait pas d'autres pièces plus populaires à l'intérieur des grandes peintures de bourgeois qui étaient des standards de très européens centrés. Mmh. Et puis elle remettait des pièces de sa culture qui avait été colonisée par les Européens dans les tableaux. C'était un truc du genre un peu, c'est quand ça, même. Ouais. J'essaie de résumer avec mes mots. Hein, voilà. J'ai compris. C'est clair. Mais du coup, hyper intéressant parce que au-delà, en plus, elle peint très bien, elle dessine très bien. Mais du coup, le fond, il est hyper intéressant autant que la forme. Et du coup, voilà, ce qu'elle dit, c'est que le musée, l'espace du musée, il est vu comme une institution, comme l'espace où il se raconte des histoires, mais qui sont vues, enfin qui sont acceptées comme universelles, avec des méthodes de représentation et de présentation. Donc voilà, le tableau, il faut l'accrocher comme ça, la sculpture, il faut bien la mettre sur le socle, etc. Et puis il a un prisme européen et blanc. C'est surtout. Ça. Et du coup, dans son boulot de peinture, elle met aussi en lumière des éléments qui peuvent être assez choquants maintenant, mais par exemple, en tout cas qui racontent aussi l'époque coloniale. Donc, par exemple, elle a aussi repris la présence d'un esclave d'un tableau de Hals ou d'un Bucaro, un pot mexicain dans une nature morte, et qui à l'époque n'était pas valorisé comme tel, quoi, mais plus objet approprié, etc. Donc trop bien. Enfin, trop bien pour moi, quoi. Bon, pourquoi tu dis que c'est trop bien pour toi? Personnellement, c'est la première fois que je vois ce genre de pensée comme ça sur... sur la déconstruction du colonialisme, c'est un sujet très abordé. Mais du coup, par rapport à l'image du musée, etc., je trouve ça assez intéressant. Ouais, parce que quand tu dis que le musée c'est considéré en général comme l'endroit où on raconte l'histoire, je pense que c'est aussi l'endroit où on raconte l'histoire à certaines couches de la société. Il y a plein de gens qui sont exclus de ça. Oui. Les prolos, pour eux, tu leur parles de musée, ils vont même soit être intimidés ou dire c'est pas pour moi. Bien sûr. Et donc c'est aussi une certaine histoire. Et même l'histoire populaire, de nos régions, elle n'est pas racontée. Parce que ça commence à venir, mais dans l'esprit général, c'est pas ça qu'on trouve au musée, quoi. C'est juste ça que je... Non, mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Hein. Et à la fois, son travail, elle le déconstruit, mais en même temps, c'est contradictoire parce qu'elle expose à la Biennale de Venise, qui est l'institution, tu vois. Ouais, c'est le summum. Voilà, c'est ça, le summum. Mais... Quand on a fait la Biennale de Venise, quand on a été exposé à la Biennale de Venise, il y a quelque chose au-dessus ou pas? Je pense que tu rentres dans la secte des êtres supérieurs. Pour Giorgio. Ouais, mais... Non, pas cette année. Je pense que ça doit être des gros trucs pour eux quand même, quoi. Après, il faut voir comment... Même en termes de public, comment c'est fréquenté. Ouais. Franchement... Vas-y. On va pas se mentir, on n'était pas ultra représentés, nous, quoi, tu vois. On est peut-être un peu passés pour les clodos du truc, mais bon... Peut-être, mais je pense pas. Au moins cette année, j'espère non. Vous étiez bien habillé, quoi, non? Bien habillé, tu me dis. Comme ça. Ouais, je suis bien habillé, là, regarde. Jogging, et puis voilà. Tu vois, là, c'est un peu l'ouverture, donc c'est un peu la farandole des gens friqués quand même. Si tu parles en termes de pas pringouin, mais très fashion week, quoi, tu vois. Couche sociale. Je pense qu'il y a... Non, je pense que là, ça allait, ouais. Mais à mon avis, surtout aussi, c'est parce que là, quand même, on avait genre une grosse communauté queer qui était représentée, une grosse communauté étrangère qui était représentée, et du coup, ça brasse certainement plus large, quoi, tu vois, que les élites de l'art mondial qui se retrouvent pour parler, d'architecture. Ouais, certainement, ça doit changer. Donc, c'est, a priori, c'est la première fois que ça se passe comme ça à la Biennale à Venise. J'ai essayé de regarder les autres sujets, mais on peut as fuck, quoi, tu vois. Mais il y a pas déjà des réactions, je sais pas, du côté de Meloni ou du gouvernement italien ou alors d'autres institutions disant c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que c'est de l'art queer, de l'art décolonial, ça doit quand même les titiller, non? Non, mais au niveau du gouvernement, pour l'instant, j'ai rien vu passer. Même au niveau des autres pays, quoi, tu vois, parce que franchement, genre le pavillon espagnol, du coup, il se faisait taper sur la gueule, quoi, par l'artiste qui représentait l'Espagne, clairement, tu vois. Et les autres pavillons. Pas le pavillon, l'histoire coloniale. Ouais, l'histoire coloniale, mais genre, le gouvernement, le pays en tant que tel, se faisait un peu taper sur la gueule sur son histoire, quoi, tu vois. Genre, les autres pavillons, c'était ça aussi, quoi. Je trouve ça violent. Je pense que tout le monde est très content de... S'ils leur font représenter, c'est que je suppose qu'ils acquiescent quand même, quoi, tu vois. Mais... Et alors, je vais faire mon patriote cocardier. Il y avait un pavillon français. Ouais. Et alors, ça racontait quoi? Alors, le pavillon français, c'est un artiste franco-caribéen, Julien Creuset. Je connais pas bien son travail, mais c'est assez... C'est un poète. C'est hyper poétique. Enfin, il montrait, donc il y avait de la vidéo. Des installations. Beaucoup de vidéos dans cette biennale. De la vidéo, des installations, une espèce de sculpture qui représente des coraux un petit peu. Un peu en mode filet de pêche. En cire, des filets de pêche, oui. Il traitait sur le. Il y avait de la musique à balle, ça je m'en rappelle. La musique caribéenne? Non, non, non, mais les musiciens aussi, un truc spectaculaire trop. Je sais pas trop. Mais ça traitait du ravage des récifs aux Caraïbes, non? Alors, j'allais dire un truc. C'est pas ça. Dis-le. Autant j'aime beaucoup l'art, je m'intéresse à l'art, mais il y a des trucs, j'ai rien compris, clairement. Et si tu prends pas le temps de te poser et de lire les cartels, tu comprends rien. Et il faut accepter de rien comprendre. Ouais, mais Julien Creuset, pardon, j'ai pas tout saisi. Bah si, c'est ça, je sais pas, tu sais, il faisait des installations. T'aurais dû creuser. Hein. Tu sais, il parle de la dévastation des récifs par la surpêche. Je pense, et puis aussi un peu du ça traite un peu aussi, tu vois, du changement climatique qui est apporté et tout. Puis du coup, il te met plein de grands écrans vidéo géants qui consomment bien, avec plein de LED, c'est pas sympa. Ça... on n'a peut-être pas payé, mais bon, il y a un contresens. C'est comme nous ici, hein, on parle de choses et puis on dénonce certains trucs, mais on le fait en utilisant plein d'électricité, en étant chauffé et logé gratuit par une fac, qui est quand même un truc d'État. voilà, quoi, à un moment, on est d'accord. Faut assumer les contradictions. Hein. À propos de contradictions, bien, j'apporte la contradiction en disant qu'on pourrait passer un petit peu de musique, pas trop longtemps, parce qu'il est déjà 20h49 minutes. Il y a moyen de trouver un peu pas long. Ouais, on peut passer un petit truc quoi, qui dure 30 secondes, quoi. Genre, c'est Lio. 30 secondes allez. Ouais, allez. Allez, tu peux en mettre deux s'ils en font 30 secondes. Ben, on va mettre ANF. Et pendant ce temps-là, il y a Hélène qui est dans un coin là-bas et puis elle se fout de notre gueule. C'est ça. Non, mais moi je dois choisir dans la musique de Marin. Mais non, mais tu peux mettre ANF, car c'est italien. Et puis Shitty Life, c'est les Jodie Foster italiens. Ah, ben voilà. Voilà. Non, attends. J'ai appuyé sur stop. Alors, du coup, il n'y a eu que ANF. Ouais, deux morceaux d'ANF, c'est ça. Les ateliers nationaux français. Vous écoutez Pyongyang City Records, j'hésite sur rien. Il y avait un truc au pavillon néerlandais qui est comme. Ah, qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Un pays du sud. Enfin, c'est au sud par rapport à la Suède, par exemple. C'est sud par rapport à la Suède. Ouais, tout à fait. Et alors, il s'y passait quoi? Non, ouais, il était cool. Enfin, cool, non, en fait, c'était horrible. Vraiment, sans mentir, c'était atroce, j'ai failli pleurer. Ils étaient représentés par des artistes, néerlandais-congolais, parce qu'on sait tous que c'était une ancienne colonie néerlandaise. Moi, je pensais que c'était belge, fut un temps. C'était une propriété personnelle du roi des Belges, mais c'est vrai qu'il y avait des entreprises néerlandaises qui étaient mises en dedans. Parce que c'est le port, ce que j'ai appris, c'est que le port d'Amsterdam, c'était le plus gros importateur de chocolat. Donc c'est le néocolonialisme continue là-bas, parce qu'ils sont toujours sous la junte, en gros, du port d'Amsterdam pour produire du chocolat et un peu d'huile de palme, ce qu'on ne sait pas. Et du coup, ils ont fait un truc de ouf, genre ça m'a vraiment choqué, c'est assez simple. Ne me demande pas le nom de l'artiste, parce que je me rappelle déjà pas le nom de mon guitariste dans mon groupe, tu vois. Donc, ça va être sympa. C'est le Cercle d'Art des Travailleurs de Plantations Congolaises. Ouais, c'est un collectif d'artistes. C'est un collectif, voilà. Le CATPC. Merci. Et en gros, très simplement, ils ont créé des... Là-bas, ils ont recréé un cube qui est le... Là-bas, enfin, le pavillon en Italie, c'est un espèce de cube. C'est très simple et ça chipote pas, c'est juste une pièce. Ils ont représenté la même... Ils ont reconstruit la même chose là-bas. Et là-bas, ils ont construit des moules. Et ces moules représentent, je pense, des divinités de là-bas. Tu vois, c'est pas très spécifique, mais tu vois, au moins des figures du Congo, quoi, tu vois. Et ils ont importé ces moules-là à la Biennale de Venise et les ont moulés en chocolat. OK. Et ils ont exposé ces sculptures en chocolat, qu'ils ont recouvertes parfois d'huile de palme. Et ces sculptures, en fait, ça représente donc les divinités qui parfois se font violer par des hommes colons ou tués, égorgés ou des trucs comme ça. C'est ça le dessin du truc, quoi. Les sculptures, ouais, c'est en chocolat, okay. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est des viols de divinités ou même de femmes congolaises par des... Donc là, tu vois, il n'y a même pas à savoir de quoi ça parle. Ouais. Alors après, jette à la gueule et ça parle encore qu'ils sont encore sous la junte du néocolonialisme, en gros. Ouais. Tu ne vois pas tout de suite que ça représente ça, mais il faut se pencher parce que ça... Ouais, puis c'est bien, c'est du chocolat, on est content. Hein. C'est ça. Ça donne faim. Ouais. Mais tu vois, ouais, ça parle de colonisation, décolonisation, mais quand même néocolonialisme. Et là, ça met les pieds dedans quand même. Donc j'imagine, tu vois, le gouvernement néerlandais, ils se disent OK, sauf que là, en fait, on se fait encore taper sur les doigts parce qu'ils nous traitent de néocolonialistes. Donc ça remet en question tout le pays quand même, quoi, tu vois. Donc du coup, moi, ça m'a un peu fait bloquer, comme quoi ils sont quand même bien libres de s'exprimer comme ils veulent, quoi, tu vois. Et ça met bien les pieds dans le plat. Et t'as blindé d'exemples là-bas comme ça, mais c'est sans fin, quoi, tu vois. C'est. Si, ça a une fin, la biennale, elle dure jusqu'en novembre, c'est ça ? Jusqu'au 24 novembre, ouais, c'est ça. Donc les gens qui veulent prendre un billet low cost, bien sûr, d'avion pour aller à Venise et assister, visiter ces 88 pavillons, peuvent encore y aller. Oui. Alors, vous avez encore des choses à raconter ? Je me demande si ça serait pas bien que vous reveniez. Avec grand plaisir. Hein. Moi, qu'on fasse carrément une émission spéciale. Je continue mon roman et il y a tellement de problématiques et de sujets qui peuvent être soulevés. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Enfin, là, encore, c'est une infinie partie. Ouais, c'est rien du tout, là. Tu vois, genre le pavillon polonais, il était dingue aussi, quoi. Tu vois, il traitait de la guerre en Ukraine et il donnait la parole à des Ukrainiens qui se prenaient des bombes sur la gueule et en te faisant comprendre que c'était à ta porte et c'était à la porte de la Pologne. Et c'était pas des artistes polonais, du coup, tu vois. En fait, ils abordent tous les prismes possibles du monde horrible dans lequel nous vivons, bien entendu. Mais oui. Voilà. Ouais. OK. Bon, c'est c'est vrai que ça doit valoir le coup d'être vu. Mais ouais, c'est un truc à faire. Alors après, autant toutes les propositions et les sujets abordés, ils sont hyper vastes et hyper riches et c'est des questions quand même assez complexes. Autant après, de mon point de vue, bon après, on a tous une sensibilité différente, mais bon, tout n'est pas forcément pertinent. Mais il y en a pour tous les goûts, quoi. Donc ouais, c'est un truc à faire, c'est intéressant. Ouais, il y a du chocolat, il y a à boire, il y a à manger. Il ouais. Y a des performances très intéressantes où tu ne saisis pas tout. Et en fait, tu t'autorises à pas saisir et passer ton chemin. Et puis tant pis, quoi, tu vois. Ouais. Mais, tu pourras revenir à un autre moment. Ou pas, ouais. Mais c'est pas grave, quoi, tu vois, on n'est pas obligé de tout comprendre et tout aimer, quoi, tu vois, en soi. Mais il y a des trucs qui sont marquants, clairement. Plus que les gondoles, 90 euros. Ah oui, 90 euros. Je sais pas, tu doutes bien qu'on n'est pas monté dedans. Ouais, ça coûte, attends, déjà. Mais on a lu, du coup, cher, 90 euros. Bon, on arrive déjà à la fin de l'émission. Là, il va falloir rendre l'antenne. Parce que normalement, d'ici 4 minutes, même pas, c'est JD et Teeth Grinder. Ouais. Ouais, il a fait une belle émission avec plein de lives, c'est sûr. Merci d'être venu, puis de nous avoir parlé, malheureusement, beaucoup trop succinctement de ce que vous avez vu. T'as pris plein de notes, mais je suis sûr que elles vont encore te servir dans le futur. Merci pour l'invite, en tout cas. Ouais. Merci à vous deux. Très gentil. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 337 de Pyongyang City Rockers. C'est Célia, première fois dans l'émission que je n'ai pas touché aux manettes. C'est Célia qui a fait. Tu m'as conseillé quand même. Ouais, non, mais de loin, quoi. Et donc elle s'en est superbement tirée. Carrément. Et c'est à Célia que va revenir le privilège de lancer le dernier titre qui est Killing Floors. Ça va être un petit peu 60s. Ils vont passer au Pits lundi prochain. Et puis, en attendant, on n'oublie pas. Accable.